Audiomatique. Le début de la transmission 240 d'Audiomatic se propageait grâce au son de la formation britannique Test Department avec une pièce enregistrée en concert dans le cadre du festival Montréal Musique Actuelle tenu en novembre 1990. La pièce intitulée Siege of Québec se voulait d'ailleurs un clin d'œil à la prestation de Test Department en sol québécois, prestation qui a d'ailleurs été captée et publiée sur CD sous le titre Proven in Action. Les sonoristes qui seront les maîtres d'œuvre de cette transmission 240 d'Audiomatic pour les prochaines minutes et qui espèrent que vous saurez apprécier jusqu'à la fin les suggestions audibles qu'ils vous partageront. I would not put as much as a bet soon in your undertaking. We'll be right back. Audiomatique, le groupe anglais The Orb nous présentait leur composition Montagne d'or, Derg Gutberg, extraite de son troisième album studio Orbus Terrarum, paru en 1995. Écoutons maintenant la formation B12. Thank you.

À Audiomatic, nous venons d'écouter une pièce du premier album The Future Sound of London, sorti en 1991. Il s'agissait de la pièce While Others Cry, tirée de l'album Accelerator. Avant The Future Sound of London, nous entendions la célèbre formation Kraftwerk et la composition aérodynamique qui se retrouve sur l'album Tour de France Soundtracks, paru en 2003. Comme le stipule le nom de l'album, le concept était de créer des pièces autour de la thématique du Tour de France. Et la séquence s'amorçait sur la musique de la formation B12 avec Bio Dimension, une pièce qui apparaît sur le premier album Electro Soma, paru en 1993. L'amalgame sonore que nous vous offrons maintenant, Audiomatic, est l'œuvre du groupe britannique The House of Love. Thank you. just turn into memories. Although time passes, memories never leave. They always come back, that is. Got it even on my side, he doesn't even know that I'm alive. I'm alive. Got it even on my side, he doesn't even know that I'm alive. I'm alive. Disappeared in a puff of smoke to choke me. Got in even on my side, he doesn't even know that I'm alive. I'm alive. Got in even on my side, he doesn't even know that I'm alive. I'm alive. Shines bright, and we're walking through the woods. What if love is the greatest damn liar of all? Would you trust me with your life? Sitting by the lake, and she's singing my name, she's beckoning me. If I just lose myself for now, for one day, I wanna drown in her precious arms. I will listen to the sirens. arms. She got me down into the water, and she got me. Nous entendions à Audiomatique le groupe suédois Anyone qui nous interprétait la pièce de Siren Songs, sublimée par la section de cordes de la Radio Symphony Orchestra de Varsovie. Cette chanson ouvre leur deuxième album, The Opiates, lancé en 2001. Précédemment à Anyone, il s'agissait de la chanteuse anglaise Petra Jean Philipson et la chanson Nothing If Not Writing Time qu'elle a composée en compagnie de Ross Godfrey du groupe anglais Morcheeba. On peut retrouver cette pièce sur le premier album de Petra Jean Philipson intitulé Notes on Love et paru en 2005. Et pour débuter ce segment, nous avions droit à la formation britannique The House of Love et la pièce Cruel tirée de son troisième album studio Babe Rainbow, sorti en 1992. La transmission 240 d'Audiomatique se conclura sur la musique du projet T. Rammschmier et la pièce Diving in Whiskey, sur laquelle on peut entendre la chanteuse Ellen Alien. Cette pièce paraît sur l'album Blitzkrieg Pop. Le passage du temps est nécessaire à l'incrémentation des transmissions d'Audiomatique qui en sera à la transmission 241 mercredi prochain dès 17h sur les ondes de C'est fou. Les sonoristes font également en sorte que toutes les anciennes émissions soient disponibles en ligne, entre autres sur les plateformes facebook.com/audiomatique-cfou et également mixcloud.com/audiomatique. Alors voici pour terminer T. Rammschmier et Diving in Whiskey. C'était Audiomatique avec les sonoristes.